vous fermez la manif d'aujourd'hui avec un petit enfant dans une poussette. C'est ça. C'est sa première manif ? Non. La deuxième, oui, ça va. C'est-à-dire qu'il y a quoi avoir de l'entraînement en ce moment ? C'est ça, il y a de l'entraînement et puis vous pouvez venir aussi les week-ends, pas que la semaine. Et vous, vous manifestez pourquoi ? Contre la réforme des retraites. Et uniquement ça ? Non, mais je ne suis pas d'accord avec la politique des gouvernements successifs depuis que je suis née, je pense. Et voilà, et puis moi je suis universitaire, on a des politiques aussi assez dures managériales à la fac, et puis par soutien pour tous les gens en grève, et je suis en grève aussi depuis pas très longtemps, mais voilà. La fac du Madrier ou de Mont-Saint-Aignan ? Mont-Saint-Aignan. Votre prénom, c'est quoi ? Marion. Merci Marion, bonne manif.